Lundi 15 octobre, 18h30. Seul au monde. Ce matin, je ne suis pas descendu. Le vent est glacial. Le mistral souffle en rafale, et l'emporte tout. Des gabions et des sachets plastiques s'accrochent sur les fils barbelés en lambeaux de chair et de plumes. Les cordes aïovio sont comme des lianes ou des serpents qui dansent. Les bâtiments des baumettes, tels de gros ours, s'engourdissent à l'entrée de l'hiver. Heureusement que ce week-end, Jean-Marie s'est occupé de l'isolation. Ce matin, enfin, ils ont allumé le chauffage. Cette nuit, malgré la bouillotte, j'ai eu froid. Ce soir je dormirai plus couvert. À l'école, tout à l'heure, Momo Lakeyol m'a descendu un sac de vêtements d'hiver. Un pull, une paire de chaussettes et un jean. Le jean me va trop grand, mais je vais m'arranger. Je récupérerai la cordelette du Bermuda à grosses fleurs rouges et bleues, qui ne m'est plus utile en cette saison. Momo sait combien je manque de linge chaud. Il m'a dit qu'il n'en avait pas besoin. Qu'il a tout ce qu'il lui faut, qu'il en a deux sacs pleins. Le pull, s'il n'est pas neuf, est impeccable. Il sent bon l'assoupissant. Momo est trop gentil, et d'autres, à l'extérieur, pensent à lui. Il prend vraiment soin de moi depuis mon arrivée. Je ne sais pas comment le remercier. Je me dis que je vais lui offrir un paquet de tabac. Je sais qu'il ne me demande rien. Sa famille vient le voir régulièrement au parloir. Très souvent, il téléphone à sa vieille mère, de la cabine d'en bas. C'est moi qui lui compose les codes d'accès. C'est vrai qu'il faut avoir fait des études, pour suivre le mode d'emploi de ces téléphones. L'administration pénitentiaire vient d'installer dans la cour de poste téléphonique. Bien sûr, on ne peut pas appeler qui on veut, pour cela il y a le téléphone cellulaire de Maddy. Les numéros d'appel doivent être autorisés par l'administration pénitentiaire. Pour les condamnés c'est plus facile. Pour les prévenus, c'est pas si simple. Ça doit passer par le juge d'instruction. C'est lui qui décide. J'ai fait une demande voici maintenant près d'un mois pour pouvoir téléphoner à Michel et à mon avocat, mais je n'ai toujours pas d'autorisation. Il va falloir que je réécrive. Ou bien il faudra que je me résolve à passer par Maddy le cellulaire. Le cellulaire, non pas qu'il soit en cellule, nous y sommes tous, mais parce que c'est lui le préposé au téléphone portable, pour l'ensemble du deuxième Nord. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore utilisé ses services. Je sais qu'on le paie avec des cigarettes. Il ne fait pas crédit. J'ai vu des détenus le supplier qu'il leur avance un appel. Pas moyen. Tu paies, tu téléphones, tu paies pas, tu téléphones pas. Business is business. Je n'ai personne à appeler d'urgence, si ce n'est mon avocat, qu'il faut que je contacte pour avoir des nouvelles de mon affaire. Mais je trouverais un peu fort de devoir utiliser un circuit clandestin pour pouvoir le joindre. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai toujours pas cette autorisation. Cela fait un mois et demi que je suis incarcéré tout de même. Le legs de Momo m'est allé droit au cœur. Je m'aperçois aussi combien je suis perdu dans cette prison. Voici l'hiver qui arrive et je n'ai rien à me mettre sur le dos. Le pire, c'est l'idée qu'on est oublié. J'ai beau faire, j'ai de nouveau ce sentiment. N'est-ce pas pourtant le mieux que je puisse ici l'espérer? Allons, cessons de nous plaindre.